Le ministre coréen des Affaires étrangères Lee Yong-ho a envoyé le 1er février un message de félicitations à Thomas Kwesi Karutei, élu vice-président du comité de l'Union africaine au 28e sommet d'État et de gouvernement de l'Union. Le destinataire a souhaité grand succès à l'Union et dans son travail pour édifier une Afrique indépendante, paisible et prospère.